N'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je ne pouvoir pas donner. Donc voter ne m'excite plus. Voter ne m'excite plus. Voter ne m'excite plus. pas rapper pour émeuter le cash. Il en faut, mais là je te parle pas de monnaie. Nada, je te promets que même pour une bonne paire de sept et plein de haches, c'est faux, je vais pas me cartonner. Il va me gardonner, je suis un chip tombé. Je ne frappe pas mes caresses, malgré ma paresse, mes rapes paraissent à ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de ralice, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Et des CRS pacifiques et des condés pacifiques. Et ça, je rappe, je te sauve. Mimis, ho, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Glisse à toutes les demoiselles, amatrices d'amour, triste comme ma crème, dominatrice. Moi, je préfère celles qui sourient, esquissent pas les actrices, trop de feu, trop d'actrices. Mais pas y résiste. Tu veux du pas de zombie? Non, j'ai pas le temps. Je vous narrave ma vie. Mais bon, j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite? T'es fanatique. Le rap, c'est pas de la magie. Tu t'agites. Et moi, j'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai plus de temps pour du son qui détend. Ce soir on va se mettre le crâne en miette, alors sort tes feuilles et ta camomille, s'il te plaît, pour la compète. C'est Bilbo sur le texte, ce soir tu peux pas tester. Tâte le canapé, pense à oublier le reste. Yo, pense à oublier le reste. Depuis le lycée, yo, bah, il fallait s'y glisser.